Portrait d'assaut sur Fadjet. Aujourd'hui, focus sur l'association régionale des cigales du Grand Est qui œuvre depuis 10 ans maintenant pour développer l'épargne solidaire et donc accompagner des citoyens dans une nouvelle démarche. Pour en parler, nous accueillons en studio Anne-Sophie Meyer. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes membre du bureau de l'association régionale. Alors déjà, peut-être définir un peu plus ce que sont les cigales du Grand Est. Oui, alors les cigales, ce sont des clubs d'investisseurs citoyens. C'est une indivision, c'est-à-dire que des citoyens se regroupent à plusieurs, en moyenne une douzaine, ça peut être un peu moins, un peu plus, décident collectivement d'épargner, ils ouvrent un compte commun sur lequel chacun, à la hauteur de ses moyens, va mettre un petit peu d'argent pour, au final, avec les contributions de chacun, pouvoir investir localement dans des projets d'activité qui font sens, souvent des activités qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, et donc vont investir financièrement et également donner du temps pour soutenir, accompagner le porteur de projet, le créateur ou la créatrice de l'activité. Donc c'est les 10 ans sur le Grand Est, ça existe partout en France ? Oui, alors c'est un mouvement, les cigales, qui existe depuis un peu plus de 40 ans maintenant. On a fêté l'année dernière, je crois, nos 40 ans d'existence. Donc il y a une fédération qui existe au niveau national. Ensuite, on a des associations régionales qui regroupent les cigaliers du territoire. Donc sur la région Grand Est, on a effectivement cette association qui existe depuis une dizaine d'années et dont l'ensemble des cigaliers du territoire sont membres de fait. Parce qu'on les appelle des cigaliers donc. On les appelle des cigaliers et cigale, c'est l'acronyme de club d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire. Alors vous connaissez les cigales depuis quand ? Alors, environ une dizaine d'années, par le biais d'une collègue qui m'en avait parlé, et en fait, ça croise aussi des engagements que j'ai par ailleurs, notamment d'un point de vue professionnel. Je trouvais ça hyper intéressant de pouvoir collectivement compter dans l'activité du territoire. À la fois, ben oui, placer un peu d'argent, mais finalement, c'est pas tant ça qui intéresse, parce qu'il y a un risque financier, donc on sait qu'au final, bon, on récupérera pas forcément ses billes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se frotte au monde de la création d'activités et on apporte vraiment un soutien au créateur ou à la créatrice en l'accompagnant, en prenant de ses nouvelles. Et chacun, en fait, on n'a pas besoin d'être un spécialiste ou un expert dans la création d'activités, mais chacun avec ses compétences et ses envies peut contribuer et apporter du soutien à l'entreprise qui se crée, ne serait-ce que faire bénéficier son réseau. Voilà, vous avez dit qu'il y a un risque, mais ça fait quand même 40 ans que ça existe, 10 ans sur le Grand Est, ça veut dire que ça fonctionne. Alors ça, oui, ça fonctionne bien dans le Grand Est parce que je pense que les gens, ont, en tout cas les cigaliers, ont envie de s'investir et puis de soutenir en fait et donner du sens à son épargne, c'est surtout ça qui compte. Après, non, clairement, je pense que c'est pas par le biais des cigales qu'on va s'enrichir. Hein. Clairement, c'est pas l'objectif recherché, mais c'est plus de contribuer en fait à la création d'activités, de richesses sur son territoire. Et donner du sens à exactement. Son investissement. Un exemple concret peut-être que vous pouvez mettre en avant aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs entreprises qui sont soutenues en région Grand Est. Alors, pour celles que je connais, une des premières entreprises dans lesquelles on a pris des parts, c'est Les Fermiers d'ici, qui est un traiteur bio local. Au départ, le créateur était seul dans cette aventure entrepreneuriale. Donc, pour le coup, là, il y a vraiment eu un soutien moral, un accompagnement humain, en fait, je pense, qui a été bénéfique. Et puis, c'est une société qui s'est développée. Aujourd'hui, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, on est nombreux au capital de l'entreprise. La première cigale dans laquelle j'étais en est d'ailleurs sortie. Et puis, la deuxième a pris des parts également. Mais c'est une durée limitée, c'est 5 ans, mais l'intérêt derrière, c'est de voir le développement de l'entreprise et de voir qu'il y a de la création d'emplois derrière et que c'est des projets qui font sens, là, en l'occurrence, pour soutenir des producteurs bio et locaux. Donc des personnes qui découvriraient un peu aujourd'hui les cigales, comment ça se passe, les différentes étapes ? On passe d'abord un coup de fil, enfin, on vous contacte par Internet, comment ça se passe ? Alors, par le biais du site internet de la Fédération nationale, on est présent sur LinkedIn également, Cigale Grand Est, sur Facebook. On a une adresse mail et un numéro de téléphone. Après, l'intérêt de venir dans les Cigales, c'est soit pour être cigalier, c'est-à-dire avoir de l'épargne solidaire et pouvoir investir dans des projets et se former en fait à la création d'activités, soit parce qu'on est porteur d'un projet et qu'on souhaite être soutenu et faire rentrer au capital une cigale ou des cigales, hein, c'est possible. Et là, on peut du même ordre contacter les cigales. On a une coordinatrice régionale qui s'appelle Sandrine, que vous pouvez contacter au 07 57 18 30 01. Voilà, vous avez évoqué l'aspect financier, mais il y a aussi l'aspect accompagnement, voire formation peut-être aussi. Alors oui, en fait, on mutualise beaucoup de choses hein, par le biais du national, par le biais de l'association régionale. Donc l'expérience des uns sert les besoins des autres. Donc, et puis il y a déjà des outils qui existent et qui sont mis à disposition justement par la fédération et par l'association régionale. Donc au montage d'un club Cigale, il y a vraiment un accompagnement qui est fait par l'association. Et le rôle de l'association, c'est d'essaimer et de faire en sorte qu'il y ait davantage de clubs sur les territoires, hein, sur toute la région Grand Est. Parce que plus il y aura de clubs et plus on va pouvoir venir soutenir des porteurs de projets et accompagner des porteurs de projets, toujours dans l'objectif de créer de l'activité qui fait sens sur les territoires et qui permet aussi de la création d'emplois. Il y en a de plus en plus des porteurs de projets. Vous arrivez à répondre à tous ? Alors, on ne peut pas répondre à tous, malheureusement, parce que en fait, il faut une certaine proximité géographique, idéalement, parce que si on est trop loin, ben, ça n'a pas vraiment de sens et c'est plus compliqué. Et effectivement, sur des territoires qui sont dépourvus de clubs cigales, malheureusement, on ne peut pas répondre, ou pas toujours. Parfois, certains clubs acceptent, mais on souhaite vraiment avoir cette proximité. C'est plutôt stable. Après, il y a des années, il y a un peu plus de projets, d'autres un peu moins, mais généralement, ça reste quand même un peu stable. Et généralement, on arrive à répondre, mais on sélectionne aussi. Hein, on ne prend pas tous les projets qui viennent. Il faut vraiment qu'il y ait des valeurs, on va dire, éthiques, solidaires. Et chaque club cigale gère vraiment comme il le souhaite et choisit les projets chacun comme il le souhaite, enfin au sein du club. Parlons un peu maintenant d'actualité. Quelle est l'actualité des Cigales ? Vous pouvez nous retrouver, on sera présent à Jardin de Ville le week-end du 27-28 septembre au parc Montaigu et certainement également au Village des Solutions de demain au Conseil départemental les 7 et 8 novembre prochains. Donc n'hésitez pas à passer nous voir, ça sera l'occasion d'échanger et de vous apporter des informations complémentaires. Vous faites partie maintenant d'un club Cigale depuis quelques temps. Quel regard vous portez justement sur l'évolution, sur votre engagement ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors c'est très enrichissant d'un point de vue humain en tant que cigalier parce que en fait on est vraiment dans la question de la démocratie. En fait, moi, les clubs Cigales dans lesquels j'ai été, je connaissais pas les autres membres au démarrage, enfin pas tous en tout cas. Et donc on apprend à décider collectivement et donc à discuter et à lever les freins. Donc on prend des décisions par consentement, c'est-à-dire que voilà, on essaie de lever les freins, de trouver des arguments. Donc il y a de l'échange, du débat en fait, qui nous permet d'aboutir à une décision. Donc ça, c'est hyper enrichissant. Ce qui est enrichissant également, ben, c'est le contact avec le créateur ou la créatrice d'entreprise. Donc on découvre les problématiques et en fait, voilà, c'est très vaste, ça touche plein de domaines différents. Donc quelque part, on se forme, c'est de l'éducation populaire, hein, de se former à ça. Et puis c'est satisfaisant de voir l'aboutissement. Alors malheureusement, ça font parfois des entreprises ne perdurent pas, mais en tout cas, quand une entreprise se développe, crée de l'emploi, c'est hyper satisfaisant de dire que on y a modestement contribué. Voilà, quelque chose me dit que cette histoire avec les cigales n'est pas finie pour vous. Ah ben non, je pense que oui, j'ai vraiment l'intention de continuer. Donc si, comme Anne-Sophie Meyer, vous souhaitez vous investir ou en savoir plus, n'hésitez pas à contacter les Cigales pour donner du sens à votre épargne. Un site internet, le Cigale Grand Est, on fait un moteur de recherche et on vous trouve facilement, notamment sur LinkedIn. Merci beaucoup Anne-Sophie Meyer. Merci. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.